hilf mir, da hilf du. C'est la ville, ça pique très fort. Tu vois, oh, ça là, faut pas marcher dessus. Mais moi, je fais très attention.